Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, l'invasion soviétique de l'Afghanistan en 1979. The response of the international community to the Soviet attempt to crush Afghanistan must match the gravity of the Soviet action. Quelques jours à peine après l'entrée des troupes soviétiques à Kaboul, le président américain Jimmy Carter prévient Moscou que l'invasion de l'Afghanistan ne restera pas sans réponse. Les mots qu'utilise Jimmy Carter dans son discours télévisé, la tentative des Soviétiques d'écraser l'Afghanistan et le fait que la réponse de la communauté internationale doive correspondre à la gravité de l'agression soviétique, ces mots en disent beaucoup sur le climat politique de l'époque. La tournure que va prendre la guerre d'Afghanistan dans les années 80 est intimement liée au contexte de guerre froide qui existe à l'époque entre les deux grands blocs capitalistes et communistes, et le dénouement de cette guerre annonce aussi très clairement ce qui va suivre, la fin de l'URSS et du Bloc de l'Est. And as the resistance continues the fight, we and other responsible governments will stand by it. Comme la résistance poursuit son combat, nous et les gouvernements responsables allons continuer de la soutenir. Le soutien apporté par les États-Unis à la résistance sera renforcé plutôt que diminué afin de pouvoir continuer à lutter efficacement pour la liberté. Cette juste lutte contre la tyrannie étrangère peut compter sur un soutien mondial, à la fois politique et matériel. A just struggle against foreign tyranny can count upon worldwide support, both political and material. L'objectif des États-Unis reste un Afghanistan véritablement indépendant, libre de toute ingérence extérieure, un Afghanistan où les citoyens choisissent le type de gouvernement qu'ils souhaitent se donner, un Afghanistan dans lequel les 4 millions de réfugiés de l'agression soviétique pourraient retourner vivre en toute sécurité et, oui, dans l'honneur. Au nom du peuple américain, je salue le président Kallis, sa délégation et le peuple afghan lui-même. Vous êtes une nation de héros. Que Dieu vous bénisse. And the people of Afghanistan themselves. You are a nation of heroes. God bless you. Le président américain Ronald Reagan, à la sortie d'une rencontre avec le chef Mujahideen Muhammad Younes Kallis à la Maison-Blanche en novembre 1987, ce qu'on vient d'entendre nous en dit beaucoup sur le contexte de l'époque, pour nous raconter cette guerre soviétique en Afghanistan dans les années 80. Je reçois mon ex-collègue, le journaliste Frédéric Nikolov, qui a été dépêché plusieurs fois en Afghanistan pour le service d'information de Radio-Canada. Bonjour Frédéric. Bonjour Jacques. C'est un plaisir de vous retrouver nos micros. C'est un plaisir partagé, vous pouvez être sûr. Vous le connaissez bien ce pays? L'Afghanistan, vous l'avez couvert donc à plusieurs reprises, vous avez couvert la deuxième guerre d'Afghanistan, mais vous l'avez connu tout jeune, dans un contexte complètement différent. Parlez-moi d'abord un petit peu de ça, du lien. Oui, oui. Comment ça s'est passé, votre découverte de l'Afghanistan? Écoutez, en 1973, avec une copine de l'époque, on décide de partir, de faire le voyage sur les chemins de Katmandou. J'avais les cheveux aux épaules et tout ça. On avait des chemises fleuries, enfin, vous voyez, ouais. Genre. Et on traverse une partie de l'Asie mineure, tout ça. Et on arrive à Kaboul, effectivement. Kaboul, qui à l'époque était une petite ville de 100 000, 150 000 habitants, très propre, une ville où il n'y avait pas de mendicité, ce qui n'était pas le cas dans les autres villes asiatiques, où les gens vraiment se tenaient debout. Et il y avait une espèce une joie de vivre. Ouais. Imaginez-vous que Kaboul était entouré de vignes, parce que c'est un endroit extraordinaire pour la vigne. Alors c'était vrai. Et on est resté là un certain temps, jusqu'à un certain coup d'État dont on parlera bien. Le coup d'État de 73. Donc vous avez quand même eu cette chance, puis ça vous a sûrement servi par la suite de connaître cette ville-là. On a appelé cet été-là le dernier été de bonheur. Je pense que c'est ça l'expression. Le dernier bel été. De l'Afghanistan. Et d'ailleurs, pour avoir une description, je conseille aux auditeurs de lire le fameux livre « Les cerfs-volants de Kaboul », ouais, où on parle de cet été en ouverture. Alors parlons de ce qui va suivre ce dernier bel été. Un peu plus tard, évidemment, à partir de 79, cette première guerre d'Afghanistan. Qu'est-ce que ça représente, cette guerre-là? Moi, je faisais lien avec le contexte de guerre froide de l'époque, mais qu'est-ce que ça représente, Frédéric Nikolov, cette guerre-là, dans l'histoire du 20e siècle? Dans l'histoire du 20e siècle, c'est probablement la dernière guerre, le dernier affrontement indirect entre les deux grandes superpuissances, ouais, entre les États-Unis et l'Union soviétique. Parce qu'on le sait, quelques années plus tard, l'Union soviétique va disparaître, ainsi que le Bloc de l'Est. Donc, il n'y aura plus cette espèce d'affrontement qui s'était d'ailleurs retrouvé dans d'autres d'autres occasions, dans d'autres pays. Le Vietnam, on avait fait d'ailleurs les frais aussi. Jusqu'à un certain point, la Corée aussi, quelques années plus tôt, en avait fait les frais. Donc on retrouve cette espèce d'affrontement entre les deux grandes superpuissances du moment par l'entremise de pays interposés. Les États-Unis, puis on y reviendra, ils tirent des ficelles d'un peu plus loin, mais évidemment, les Soviétiques, c'est leur guerre, ils sont là au premier front. Est-ce que c'est exagéré de dire, vous avez parlé du Vietnam, ça a été un cauchemar, un mélodrame national dont ils ne se sont pas encore remis pour les Américains. Est-ce que l'Afghanistan, on peut dire que c'est le Vietnam des Soviétiques? C'est le Vietnam des Soviétiques, c'est sûr. Et ça, n'importe qui va pouvoir vous le dire, même les Russes actuellement, avec qui on peut parler, vont lui dire oui. Ça a été quelque chose de très important pour nous. Alors, comment on en arrive, puis on va vous retrouver en 73 à Kaboul, mais comment on en arrive à cette guerre d'Afghanistan en 79 et dans les années 80? Tout à fait. Alors, il faut dire d'abord que l'Afghanistan a toujours été un pays très jaloux de son indépendance, hein, parce qu'il était toujours été coincé entre l'Empire britannique au sud-est, avec l'Inde et tout ça, le Pakistan, et la Russie, au nord, l'Empire russe. Et il y a eu des guerres entre les deux pour essayer de conquérir cet État-là, chaque fois repoussé dans des... En fait, ça a été des horreurs qui se sont passées là-bas. Et ce qui se passe, c'est qu'à partir du début du 20e siècle, l'Afghanistan s'ouvre un petit peu aux autres pays, entre autres à la France, à l'Allemagne, parce qu'elle refuse, l'Afghanistan refuse d'avoir des antennes en Russie et en Angleterre. Ouais. Et là, il y a une espèce d'élite qui commence à fleurir, une élite qui parle français d'ailleurs, c'est assez intéressant. Et il y a donc ce fameux, c'est un royaume, l'Afghanistan, et il y a ce fameux été de 1973 où, malheureusement, le roi va être détrôné et il devra fuir en exil. C'est son neveu, Daoud, qui a décidé que maintenant on va transformer l'Afghanistan et en faire une république. Ouais. Et ça, c'est un premier coup d'État. Ouais. Mais dans les années qui suivent, ça va plutôt mal se passer. Ouais. Et dans les années qui suivent, il y aura une succession de coups d'État. Exactement. Il y en aura plusieurs. Il y a aussi des dissensions à l'intérieur des différents gouvernements et tout ça. En 78 arrive un autre coup d'État, cette fois-ci mené par des gens proches de Moscou. Ouais. Ils veulent ouvrir un dialogue avec Moscou, ils veulent vraiment se rapprocher avec la Russie, qui n'est pas loin, hein, faut pas l'oublier, parce que les républiques d'Asie centrale appartiennent à l'Union soviétique. Ouais. Et l'Afghanistan a des frontières communes avec ces républiques-là. Donc, mais il se trouve que les Afghans sont des gens particulièrement croyants, particulièrement rigoristes, justement, dans leurs croyances et tout ça. Alors, l'athéisme prôné par Moscou, puis toutes ces choses-là, non, ça ne marche pas. Donc, ce gouvernement pro-soviétique, ce gouvernement communiste, il vacille. Et ça, Moscou, très vite, s'en rend compte, ce qui fait que les troupes soviétiques vont entrer en Afghanistan à la fin décembre 79. Pourquoi l'URSS décide d'envahir l'Afghanistan? On écoute d'abord la soviétologue, c'est comme ça qu'on disait, souvenez-vous, à l'époque, Frédéric, Hélène Carrère d'Encore, sans parler à l'émission ce soir, le 14 janvier 1980, quelques semaines seulement après le début de l'invasion soviétique en Afghanistan. Vous savez, l'Union soviétique a dans ses frontières 50 millions de musulmans qui sont situés aux frontières de l'Afghanistan et de l'Iran. Alors, pour l'Union soviétique, un mouvement islamique qui se développe, une révolution islamique qui se développe en Iran, et un régime communiste qui était débordé par une possible révolution islamique en Afghanistan, c'était certainement trop. C'était absolument intolérable. L'Union soviétique ne pouvait nettement pas réagir en Iran, ça n'est pas son lieu d'action. Il lui restait à interrompre, dans la mesure du possible, ce mouvement en Afghanistan. Je crois que c'était urgent, dans la mesure où en Afghanistan, il y avait un régime communiste, celui de Taraki, suivi de celui d'Amin, et voir s'écrouler un régime communiste au profit d'une révolution islamique, il y a là de quoi donner des idées aux musulmans de l'Union soviétique. Et en général, si vous voulez, c'est tout à fait insupportable à tout dirigeant communiste, et particulièrement à des dirigeants communistes qui ont la responsabilité d'une masse musulmane considérable et qui a les yeux fixés sur ce qui se passe en Iran et en Afghanistan. Donc cette peur de la montée de l'islamisme dont parle Hélène Carrère d'Encausse, c'est une première explication de cette décision d'envahir l'Afghanistan par les Soviétiques. Mais il y a plus que ça, Frédéric. Il y a une autre explication qui est tout à fait plausible également. Vous savez que la Russie, historiquement, et l'Union soviétique a toujours voulu avoir une ouverture sur les mers chaudes, les mers du Sud. Or, il se trouve qu'en envahissant l'Afghanistan, elle se rapprochait de l'Iran et donc de la mer d'Arabie. Et ça, c'est un des points importants, d'ailleurs. Et aussi, une autre chose qui est fondamentale, c'est que pour en revenir à ces républiques, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, oui, qui faisaient partie de l'Union soviétique à l'époque, eh bien, pour les Russes, c'était tout à fait normal que l'Afghanistan, Stan aussi, oui, devienne aussi une république soviétique. Et puis, il y avait ce qu'on appelle à l'époque la doctrine Brechnev, qui était de dire, à partir du moment où un pays devient communiste, c'est un gouvernement communiste, oui, c'est un dirigeant communiste qui est en place en Afghanistan, on ne peut pas perdre un territoire, non, qui a été communiste un jour. Qui s'affronte? On reviendra dans une minute ou deux sur quelques acteurs importants, mais en gros, qui s'affronte dans cette guerre? Qui s'oppose dans cette guerre? Alors, essentiellement, au début, évidemment, ce sont les hommes de l'armée rouge. Il y a 55 000 hommes qui participent à l'invasion. En tout, ils seront à peu près 100 000 quelques semaines plus tard, soviétiques, contre des moudjahidines. Moudjahidines, en fait, ce sont des combattants, évidemment, afghans, qui viennent du peuple et tout ça, qui sont eux-mêmes divisés entre les différentes fractions du parti, parce que l'Afghanistan, c'est un pays clanique. D'ailleurs, les Russes seront très surpris, les soviétiques seront très surpris de la résistance. Ouais. Et ça va être leur premier désarroi. Je dis, mais comment ça se fait qu'il y a autant une telle résistance, alors que les pauvres moudjahidines à l'époque n'étaient pas encore véritablement armés. Ils le deviendront plus tard grâce, ouais, aux États-Unis, à la CIA et tout ça, le Pakistan aussi. Mais ils ont vraiment surpris à ce moment-là par leur résistance les soviétiques. Donc ces gens d'appartenances diverses à différentes clans, ces moudjahidines qui sont là dès le départ, plus tard on y reviendra aussi, mais des gens d'ailleurs viendront, ouais, renforcer les rangs de cette armée de résistance face aux Soviétiques. À quoi ça va ressembler, cela dit, très concrètement sur le terrain, cette longue guerre? Ça va durer à peu près 10 ans. On écoute un extrait du reportage de Madeleine Poulain à l'émission Le Point en mars 1985. Ce lieu ne figure pas sur les cartes. Aucun pays ne reconnaît son existence. Et les hommes qui s'y entraînent n'ont pas non plus d'identité officielle. Ce sont des rebelles. Ailleurs, on les appelle guérilleros, fedayines. Ici, ils se nomment moudjahidines. Pour leurs adversaires, ce ne sont toujours que des bandits armés. Leurs armes sont dérisoires. C'est un petit arsenal du début du siècle contre une armée de l'an 2000. Depuis 5 ans, dans ce pays sauvage et montagneux, l'armée soviétique s'enlise. Avec l'armée afghane, elle ne contrôle que les villes. Les campagnes résistent. La stratégie soviétique est celle de la terreur. Comme la quasi-totalité de la population est hostile à l'occupant, une façon de contrôler le pays est de le vider. Récoltes brûlées, raids aériens meurtriers, 3 millions de personnes fuient le pays. C'est le quart de la population, la plus forte concentration de réfugiés au monde. La plupart se dirigent vers un Pakistan traumatisé par la guerre à ses portes. Alors, à quoi ressemble donc cette guerre d'Afghanistan sur le terrain au quotidien, Frédéric Nikolov? En fait, Madeleine Poulain le résumait bien. Les Russes, les Soviétiques n'ont jamais envahi véritablement l'Afghanistan. Ils ont contrôlé. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils contrôlaient? 20% du territoire, ouais, au maximum. Les grandes villes, ça c'est juste, effectivement, Herat, Kaboul, Mazar-i-Sharif, Kandahar. Et à l'intérieur, dans les zones rurales, eh bien, ils construisaient des forts. Vous savez, des espèces de bases. Et à partir de là, ils essayaient de rayonner pour combattre ces moudjahidines-là. D'ailleurs, c'est une tactique que vont reprendre les gens, les Américains, et puis les, ah, gens, oui, de l'OTAN par la suite, voyez-vous. Alors, on ne peut pas véritablement dire que ce pays-là, qui est d'ailleurs essentiellement un pays rural, a été conquis, oui, par les Soviétiques. Une guerre de guérilla. Ça a été une guerre de guérilla, exactement. Oui. Tout à fait. Avec des acteurs clés dans cette guerre-là, on va parler de deux de ces figures, Osama Ben Laden, dans un instant. Mais d'abord, le commandant Massoud. Oui. Qui est-il? Qui est Ahmed Shah Massoud et quel rôle il va jouer dans cette guerre d'Afghanistan dans les années 80? Ahmed Massoud, il vient de la bourgeoisie de Kaboul. Il a fait ses études en français. Toutes ses conférences de presse, il les donnait en français. D'ailleurs, il ne parlait pas anglais. On l'a surnommé le roi du Panjshir parce qu'il contrôlait avec ses hommes une vallée qui se trouve au nord-est de Kaboul, qui s'appelle la vallée du Panjshir, qui fait le lien entre les républiques du Caucase, les républiques soviétiques du Caucase, et Kaboul. Oui. Alors, celui qui réussissait à contrôler cette vallée-là protégeait Kaboul. ou alors pour les invasions futures. Et il y a eu 7, je pense que les plus grandes offensives soviétiques contre, en Afghanistan ont toutes été dirigées contre le commandant Massoud et puis le Panjshir. Et à chaque fois, ils ont été repoussés. Donc ça, c'est un premier personnage clé. C'est vraiment un des leaders des forces de résistance. Il va être assassiné 2 jours avant le 11 septembre. Des gens d'Al-Qaïda, d'ailleurs, qui déguisaient en journaliste. Ouais. Et puis l'autre personnage incontournable dans cette histoire-là, c'est le jeune, à l'époque, Oussama Ben Laden. Quelle importance il a dans cette guerre d'Afghanistan des années 80 et quelle importance aura cette guerre pour lui, Frédéric Nikolov? Alors, cette guerre, pour lui, va lui servir, en fait, de rencontrer des gens fort importants dans la guérilla, et plus particulièrement dans la guérilla Pashtoun. Il finance cette guérilla-là, et les Moudjahidines, comme d'autres personnes le font, d'ailleurs, non seulement les Américains, mais aussi dans les pays arabes, les pays pétroliers, financent beaucoup ces Moudjahidines-là au fil des années. Et là, il va vraiment avec les Pashtouns, d'où sont issus les talibans, il va véritablement commencer à mettre sur pied un réseau qui s'appellera par la suite le réseau Al-Qaïda. Amis des Américains à ce moment-là? Au début, amis des Américains, parce que armés par les Américains. Ouais. Et puis ça va changer, évidemment. Ah oui, beaucoup. La réaction de la communauté internationale, on l'a déjà un peu évoqué. Là. Il y a très loin de Kaboul et du terrain quand même des gens qui manipulent, tirent des ficelles, les Américains, mais le monde musulman, le monde arabe aussi va intervenir dans cette guerre-là indirectement. On y reviendra dans un instant. Mais la communauté internationale va officiellement réagir aussi, s'opposer à cette guerre, je pense surtout aux pays occidentaux. Le premier signe concret, c'est évidemment le boycott des Jeux olympiques été de Moscou en 1980. La décision est claire et sans appel. Le cabinet fédéral a décidé de boycotter les Jeux de Moscou à moins que les troupes soviétiques ne se soient retirées d'Afghanistan d'ici le 20 février. Ce matin, le premier ministre avait donc convoqué les membres de l'Association canadienne olympique pour leur communiquer la nouvelle. Jim Worrell, membre du CIO, devra faire connaître des intentions du Canada à Lord Killannon, celui qui, jusqu'ici, a refusé d'autoriser la tenue des Jeux ailleurs qu'à Moscou. Après une heure d'entretien, le désaccord a paru évident et les visiteurs sont repartis sans dire s'ils entendaient ou non se rendre à la volonté du premier ministre. Celui-ci, de son côté, ne leur en donne pas le choix. Je n'ai pas demandé d'eux un appui ou une réponse de notre position. Je crois que c'est bien probable que les représentants canadiens respecter la position du gouvernement et, je crois, les citoyens canadiens. Extrait d'un reportage de François Perrault aux Nouvelles Radio du 26 janvier 1980. Alors, au-delà de ce boycott, Frédéric Nikolov, du boycott des Jeux de Moscou en 80, de quelle nature sera la réponse de la communauté internationale face à l'invasion soviétique en Afghanistan? Alors, elle viendra surtout du côté des Américains qui va armer les Moudjahidines d'une façon très, très importante et qui va armer, bien sûr, les talibans par la force des choses, n'est-ce pas? Parce qu'à l'époque, ils sont encore leurs alliés. Oui. Ils vont mettre sur pied, ou au point plutôt, missile sol-air, qui s'appelle le missile Stinger. Et c'est grâce à ce missile-là que les Moudjahidines réussissent à enlever le contrôle aérien que les Soviétiques avaient sur l'Afghanistan. Et ça va être un tournant absolument fondamental dans l'histoire de cette guerre-là, parce que les Soviétiques, parce que vous savez que c'était des hélicoptères à l'époque qu'utilisaient les Soviétiques. L'avion, c'est pas possible parce que le pays est tellement montagneux que ça ne sert à rien. Mais les hélicoptères, avec ces missiles-là, sont très facilement visibles et deviennent des cibles très faciles. Et c'est comme ça que les Russes ont perdu, en fait, le contrôle de l'air. Donc, appui logistique, il n'y a pas de soldats américains en Afghanistan. Mais il y a de l'argent, il y a la CIA qui tire des ficelles, il y a le financement de cet armement. Voilà. Tout ça, évidemment, encore une fois, on l'oublie avec le temps, mais c'est le contexte de la guerre froide. Tout à fait. L'ennemi, c'est l'URSS. Oui, effectivement. Bon. Alors, c'est ce qu'on ne veut absolument pas, qu'un autre pays tombe dans le giron de l'Union soviétique, ça, c'est absolument exclu. Et cette guerre-là va devenir, j'allais dire, une guerre religieuse. En tout cas, les pays musulmans vont aussi, à côté des Américains, s'engager dans cette guerre-là. De quelle manière? Quelle importance ça va avoir, cet engagement des pays musulmans? Beaucoup de musulmans sunnites, il faut bien le dire, hein, parce que l'Afghanistan est majoritairement un pays sunnite. Donc, beaucoup d'Arabes, si vous voulez, de pays, de gens ressortissants arabes, vont aller se battre en Afghanistan. Ça a été le cas de Ben Laden, pas uniquement lui. Il y a des milliers de jeunes qui vont comme ça s'offrir à lutter contre les Russes à l'époque. Ils en font une guerre sainte, d'où le terme d'ailleurs de djihadiste. Et c'est l'influence qu'ils vont avoir sera déterminante pour la suite des choses, d'ailleurs. Ouais. Il reste que cette armée, l'armée de l'URSS à l'époque, l'armée rouge, c'est une des armées les plus puissantes au monde. Ça va autant plus tard, puis vous avez couvert la Deuxième Guerre d'Afghanistan, les Américains, les forces de l'OTAN vont aussi se casser les dents en Afghanistan, mais quand même, cette fois-là, qu'est-ce qui fait que c'est un échec lamentable pour l'URSS? Qu'est-ce qui ne marche pas? Il y a eu donc cette perte du contrôle aérien de la part des Soviétiques, mais il y a eu aussi un événement, on s'en souviendra peut-être, qu'on a appelé la perestroïka. Vous savez, cette espèce d'ouverture qu'à l'époque, le président Gorbatchev voulait insuffler à son pays, où on pouvait commencer à avoir des reportages libres et tout ça. Et il y avait de plus en plus de reportages à la télévision nationale soviétique, où l'on voyait les cercueils des soldats russes morts en Afghanistan qui rentraient au pays. Ouais. Et là, ça a joué. Il y avait une espèce de fronde de la part de la population. Et c'est là que Gorbatchev a décidé de mettre un frein à cette invasion-là. Autre beau parallèle, on le disait, c'est l'Afghanistan, un peu le Vietnam des Soviétiques. Là aussi, il y a des points de ressemblance. Hein, le rôle qu'a joué la télévision cas du Vietnam. Donc, ils partent, les Soviétiques. Un accord de paix qui est signé à Genève en 88. Puis, quelques mois plus tard, ils quittent l'Afghanistan. Qu'est-ce que devient le pays à partir du moment où les Soviétiques le quittent? Alors voilà, ce qui se passe, c'est que le commandant Massoud, dont on parlait tout à l'heure, veut absolument devenir le premier leader, si vous voulez, de l'Afghanistan et tout ça. Il essaye de rentrer dans Kaboul, la capitale, et avec ses hommes depuis la vallée du Panjshir. Mais les autres, qui étaient avant ses alliés, mais qui ne sont pas de la même tendance, si vous voulez, ni politique, ni ethnique, les Tadjiks, les Pachtounes, et puis tout ça, s'y opposent. Et là va commencer une des pires guerres dans l'histoire de l'Afghanistan. Écoutez, les Afghans, quand je suis allé dans ce pays-là, à plusieurs reprises, ils me disaient que la pire période qu'ils ont connue, c'était pas forcément l'invasion soviétique, ça a été la guerre civile des Moudjahidines, qui a détruit une ville comme Kaboul. C'était absolument phénoménal, la violence que ça a suscité. Et de cette guerre-là, il y a un groupe majoritaire qui s'est développé. Ce sont évidemment les talibans qui venaient des Pachtounes du sud du pays et qui ont réussi, avec le Mollah Omar, à contrôler le pays. Avec ce régime très dur qu'on connaît, très dur à l'endroit des femmes, mais très dur point à la ligne. Exactement. Et puis ce sera le 11 septembre. Et cette deuxième guerre d'Afghanistan, menée par les États-Unis et les forces de l'OTAN, vous l'avez couverte, cette guerre-là. Oui. Est-ce qu'il y a des points de comparaison entre cette deuxième guerre et la première, celle des années 80? Bien, évidemment, je n'ai pas couvert celle avec les Soviétiques, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on faisait à peu près la même chose. Quand j'étais avec l'armée canadienne, on était dans des bases. Et puis, à partir de ces bases-là, les soldats canadiens, hollandais, américains rayonnaient dans les différentes villages ou villes avoisinantes à la recherche de talibans. C'est exactement ce que faisaient les Soviétiques, voyez-vous. C'était la même chose. Le contrôle de ce pays est absolument impossible. Ouais. C'est un pays qui est tellement montagneux, tellement accidenté, qu'il n'y a aucune armée qui... D'ailleurs, les Britanniques s'étaient cassés la figure. Ouais. Et même chose pour les Russes au 19e siècle. Frédéric Nikoloff, ex-journaliste à Radio-Canada, merci d'être sorti de votre retraite pour nous. Ça a été vraiment un bonheur de vous retrouver, Frédéric. Ah, mais c'était très gentil à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.